Belle, on s'évade d'ici, c'est à Miami, Miami City. Prends tes sacs loin de la cité, loin de la city. Ce soir, elle fait la malade dans une autre planète, Verity. On t'emmène vers les étoiles, loin vers Miami City. J'ai la tête dans les îles, la tête dans le soleil. Je rigole, le cœur abîmé. 13-0-15, ça fait des soleils. 13-0-15, on met tout niqué. Costa, Del Mar, nous on est là. On fume, très tard, Miami ou Marbella. On prend le monde en Ixosa. Tout le secteur en moula. Toute l'équipe Testarossa. Oh, ma rosa. Je dis oh là ça papaye. Elle veut le verre mon ami et moi. L'ami c'est vaille vaille. Ce soir complètement loca. Je suis loin, je pense plus aux rafales. De la boîte on arrive ganté. Mon pote boit la taille et bye bye. Pas galère, on se refait. Tout Marseille, tout le check est là. Un rappeur, je viens de citer.